بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا وعليكم السلام ورحمة الله. لازلنا أيها الإخوة في الله نتدارس ونستضيء بتوجيهات الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي من خلال هذه المحاضرة القيمة، وهذا مجلسنا الثالث في هذه المحاضرة التي عنون لها بالحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. Autour de l'étude de cette conférence, Cheikh Rabih Hafidhahullah Ta'ala, nous prenons les leçons de cette conférence dont le titre est l'incitation à la fraternité et à l'union et l'avertissement contre la divergence et la division. وقفنا عند قوله حفظه الله تعالى: فلو جاء إنسان يسفه التيجان المرغني فلعلهم يذبحونه، لا أن يطردوه حسب، لكن إذا أتيتهم بالحكمة واللطف بارك الله فيك نفعهم الله بهذا. Et on s'est arrêté à ce passage-là après qu'il nous a conté l'histoire qui s'est passée dans cette mosquée du Tijani, où après à la fin les gens ont viré l'imam Tijani, après avoir écouté les paroles de Cheikh Rabih. Il dit, chez quelqu'un maintenant, il arrive dans la mosquée d'un groupe ou d'une secte, il commence à parler mal du Cheikh Tijani, de l'Marghani, etc. Peut-être qu'ils vont l'égorger. Peut-être qu'ils vont l'égorger. Pas tout simplement le chasser de la mosquée. Il a dit, si tu viens avec chasse, avec sagesse, et avec savoir-faire, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'ils profitent de ce que tu leur dis. فيقول الشيخ حفظه الله: فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حتى عليها الكتاب وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح. Il dit, Habibullah Ta'ala, frère, utilisez la science bénéfique, utilisez les preuves irréfutables, utilisez la sagesse bénéfique dans votre da'wa, et ayez le noble comportement et le bon comportement, ce comportement que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ce comportement que nous a ordonné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que le comportement et la sagesse, et la science bénéfique, ce sont les moyens du triomphe, et les moyens de la réussite. وَصَدَّقُوا أَنَّ الصَّحَابَ مَا نَشَرُوا الْإِسْلَامِ وَدَخَلَ فِي الْقُلُوبِ اللَّهِ بِحِكْمَتِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أَكْتَرْ مِمَّا عَمِلَتِ السُّيُوفِ، لَكِنْ مَنْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ تَحْتَ السَّيْفِ قَدْ لَا يَثْبُتْ. والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم، عن طريق الحجة والبرهان، هذا الذي يثبت إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Il dit, prenez comme véridique que les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام n'ont pas propagé l'islam et l'ont rentré dans le cœur qu'avec leur sagesse et avec leur science et avec leur comportement, plus qu'avec l'épée et les armes. Ils ont atteint les cœurs, ils ont su ouvrir les cœurs par leur comportement, par leur savoir-faire, par la science bénéfique et par la sagesse. Et sachez, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, que tout un chacun qui rentre dans l'islam par peur des armes, hein, cela ne restera pas dans l'islam. Cela ne durera, son islam ne durera pas. Et celui qui rentre dans l'islam par la voie de la science, par la voie de la preuve, par la voie de la sagesse, ben celui-là va rester dans l'islam. Et celui-là, son iman, sa foi, va se forcer. Il va se concrétiser avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit le cheikh, فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الطَّرِيقَ الطَّيِّبَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ فِي الْعِلْمِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et le cheikh lui dit, cramponnez-vous à cette noble voie et à cette noble façon de faire et acharnez-vous avec toutes les forces que vous avez à l'apprentissage de la science bénéfique. Et à faire da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tout en se rappelant que c'est une conférence qu'il faisait à l'université de Médine, hein, en 2005, devant une assemblée de demandeurs de science. Hein. Et cela aussi implique que nous devons prendre aussi la leçon dans ces orientations qu'a donné Cheikh Hafidhahullah Ta'ala à ces demandeurs de science. يقول الشيخ ثم أنبئكم يا إخوة إلى أمرين j'attire votre attention sur deux points. أولا التآخي بين أهل السنة جميعا فيقول فيا أيها السلفيون بثوا فيما بينكم روح المودة والأخوة وحققوا ما نبهنا إليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وأنه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, premièrement, hein, cherchez la fraternité, créez la fraternité entre les gens de la Sunna. Et il dit, où vous les salafis, hein, propagez la fraternité entre vous. L'amitié et la fraternité, propagez-la entre vous et accomplissez ce que nous a la voie vers laquelle nous a orienté le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a ordonné quand il a dit que les croyants sont comme la construction. Hein? Pierre imbriquée dans l'autre. Pierre soudée à sa sœur pour que l'édifice soit très haut. Et il a dit aussi, soyez comme un seul corps. Quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Tout le corps est atteint de fièvre. يقول حفظه الله كونوا هكذا يا إخوة ابتعدوا عن عوامل الفرقة فإنا والله شر خطير خطير وداء وبيل. Il dit ainsi que vous devez être, frère Allah Azza wa Jal. Éloignez-vous de toutes les causes qui vont vous amener la division. Car il dit par Allah, c'est un grand mal. C'est un grand mal. La division est un grand mal. Et regardez, par Allah, dans des micro-sociétés de salafis dans une région, regardez des fois en combien de groupes les frères sont constitués, en combien de... Hein? Est-ce que ça, c'est la voie que nous a légué Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons? Par Allah que non. Par Allah que non. Là où tu vas, ton cœur ne cesse de déchirer quand tu vois cette division entre les frères qui sont dans le même ménage. Et ceci, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où il est le hic? Le hic, il n'est pas dans la voie. Le hic, il est en nous. Le hic, il est dans la mauvaise application et la mauvaise compréhension de la voie de ne plus être dans l'âme. C'est là où il est le hic. C'est-à-dire que le hic, il est en tout un chacun de nous. Nous devons nous reposer des questions sur nous-mêmes et sur notre définition et notre compréhension de la voie de ne plus être dans l'âme. Sinon, pourquoi se dire de la même voie et un groupe là, un groupe là, un groupe là, etc. C'est impossible. Wa alaykoum salam. Taniyan yaqulu al-shaykh, ijtanibu al-asbab allati tuaddi ila al-ihan wal-ba'dha wal-furqati wat-tanafur. Et dit cheikh, évitez les causes qui ramènent la haine, qui ramènent la division, qui ramènent le fait que les uns s'éloignent des autres. Il faut les éviter. Et des fois, ces causes n'ont rien, n'ont aucun rapport avec la voie du plusieurs. c'est plutôt du domaine personnel. Hein? Hein? Des règlements de compte, des fois. Et ah, oublie le passé dans lequel tu es. Oublie-le. Hein? Tu es dans la voie de tout plusieurs, dans l'Allah qui te demande de tout effacer. De ne plus avoir rien dans ton cœur et de purifier ton cœur. Sinon, si tu n'agis pas ainsi, pose-toi des questions sur toi-même et sur ta compréhension de la voie de tes plaisirs d'Allah Alim. Parce que si tu gardes la même haine de paravent, avant de connaître cette voie de tes plaisirs d'Allah Alim, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas encore compris. Hein? Si on se sépare pour quelque chose de sûr et de valide au niveau de la voie, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de futilité et des choses qui n'ont rien à voir avec la voie, ça c'est un grand problème et un grand hic en nous. Nous n'avons pas encore accompli, et nous n'avons pas encore réellement compris la voie de nos puissants d'Allah alayhi. يقول الشيخ ابتعدوا عن هذه الأشياء لأن سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم ومقاصدهم سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد سواء في الجامعة أو غيرها أو في سائر أقطار الدنيا. Il dit حفظه الله تعالى éloignez-vous de ces choses car ces choses qui amènent cette division et ces divergences qui ne doivent pas qui n'ont pas à avoir lieu, ces choses sont utilisées par des gens et ont apparu chez certaines personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait le but de ces personnes et les intentions de ces personnes. Et ces choses hein, ont grignoté la salafia et la jeunesse salafie. Que ce soit là-bas, en Arabie Saoudite, que ce soit dans les autres pays aussi, partout. En Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, les mêmes futilités ont grignoté cette jeunesse. يقول الشيخ لما لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما. وعليكم السلام ورحمة الله. Dit الشيخ حفظه الله. Pourquoi tout ça? Dit parce que sur le terrain de la da'wa ila Allah, c'est assis sur les sièges d'enseignement et du fait d'appeler vers Allah, subhanahu wa ta'ala, des gens qui n'en sont pas dignes. Ni au niveau de la science, ni au niveau de la compréhension. C'est pour ça, quand les frères de la région parisienne ont été éprouvés par un certain imam, et quand ils ont appelé Cheikh Ahmed Bazmoun, hafidahullah, il leur a dit, si vous avez... La définition de ce qu'il leur a dit en général. Si vous aviez, avant de permettre à cette personne de s'asseoir sur la chaise, si vous avez pris le téléphone et appelé à la Mecque des demandeurs de science qui connaissent avec lequel il était, vous ne serez pas arrivé à cela aujourd'hui. Vous ne serez pas maintenant, vous êtes en trois groupes ou quatre. Les pour, les contre et les neutres. Ainsi. Elle dit, si vous avez utilisé la parole d'Ibn Sirin, rahimahullah, cette science est une religion, regardez c'est qui vous prenez votre religion. Vous ne serez pas arrivé à ce point-là. Il y a la même chose partout. Ça doit être ainsi. Avant qu'on tombe, avant qu'on permette à quelqu'un de s'asseoir sur une chaise, ou qu'il fasse dawa, etc., dans le milieu, il faut s'assurer d'où il vient. Hein? Qui il est? Qui le connaît parmi le Bachir? Est-ce qu'il est tiraché le cheveu ou pas? Et à ce moment-là, tu lui permets. Sinon, si on n'agit pas ainsi, ben on va les laisser. Peut-être qu'au début, les paroles sont bonnes. Ils restent dans la lignée d'une puiseur d'Allah alayhi. Ibn Baz a dit, Cheikh Nasr a dit, Cheikh Mouqbel a dit, etc. Et quand ils sont que... Il s'est accaparé des cœurs de personnes... Ils montrent le réel visage. Et à ce moment-là, c'est là la douleur. Parce que tout un chacun qui n'a pas les règles va tomber. Pourquoi il ne dit que des choses bien? Pourquoi vous cherchez les bêtes? Hein? Et ainsi de suite. Et on arrive au stade où les pour, les contre et les neutres. Ben avant d'arriver là, il faut faire comme le puzzle d'Allah Alim il faisait. Une fois, il faisait des voyages énormes pour arriver ici à un shir. Et avant de s'asseoir, il regarde l'homme déjà dans son aspect. Est-ce qu'il représente la sunna de son prophète? S'il la représente, c'est bon. C'est pas gagné encore. Et après, il regarde. Et est-ce qu'il représente la sunna? Est-ce qu'il accomplit la sunna du prophète dans sa prière? Est-ce que sa prière correspond au hadith du prophète qui dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et à ce moment-là, seulement il dit ça. Si les deux choses ne sont pas, ou la une des choses n'est pas, et ils prennent rien, ils repartent. Ils repartent. Parce qu'ils ont peur pour leur religion. يقول الشيخ حفظه الله فاحرصوا على الأخوة وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. Il dit حفظه الله تعالى tenez à la fraternité et tenez aux choses, وعليكم السلام ورحمة الله, qui vont confirmer cette fraternité et entretenir cette fraternité. Et s'il arrive, il vous arrive des choses qui vont vous faire éloigner les uns les autres, oubliez le passé. Tournez la page à partir de maintenant et oubliez le passé. Il dit حفظه الله وانا اقول للاخوان الذي يقصر ما ينبغي ان نسقطه ونهلكه والذي يخطئ منا لا نهلكه بارك الله فيكم. Il dit حفظه الله تعالى celui qui est négligent parmi nous, il ne nous appartient pas de le descendre et de le faire périr. Et celui qui fait une erreur, il ne nous appartient pas de le faire périr. Parce qu'il s'avère que ces dernières années, il n'y a que des pistolets. Des têtes à faire tomber. Et ceci n'est pas bon. Avant, si vous prenez tout ce qu'il a fait, Cheikh Rabi'a, durant sa vie, pour certains innovateurs qui sont des grands da'is à l'innovation, combien d'années? Pour certains, il a mis 8 ans de conseil. Pour certains, 5 ans. Pour certains, 3 ans. Pour certains, encore aujourd'hui, il est en conseil. Avant de divulguer. Et avant de... Tous les moyens, il les utilise. Et là, dans nos zones, dans nos zips, on n'a que les pistolets. C'est un mot que tu as dit. Bon. Allez. Facile. La yakha l'islam. La yakha l'islam. Il faut être digne de la voix de nos plusieurs d'Allah. Il faut être digne de ce que nous enseigne le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Il a compris et la voix de nos plusieurs d'Allah. Il a clairvoyance avec que propagent les hommes de science, tels Cheikh Rabi', Cheikh Obeid et les autres machaïkh de Médine. Et d'ailleurs, فعون الله عز وجل يقول الشيخ ولكن نعالجه أي نعالج حال هذا المخطئ باللطف والحكمة ونوجه له المحبة والمودة وسائر الأخلاق الصالحة مع الدعوة الصحيحة حتى يؤوب وإن بقي فيه ضعفا فلا نستعجل عليه وإلا والله ما يبقى أحد يلدي حفظه الله تعالى السكالة كان كي تنبضون dans l'erreur, qui commet des erreurs, etc., que cette situation, on y remédie avec sagesse, avec douceur, avec doigté, et avec amour et fraternité, et avec toute la noblesse du comportement, en lui faisant la da'wa authentique, en lui faisant des da'as aussi, jusqu'à ce qu'il revienne à sa raison, et jusqu'à ce qu'il revienne à la voie de ses plusieurs dans l'âme. Et s'il reste une certaine faiblesse, qu'on ne soit pas pressé à le faire tomber. Qu'on ne soit pas pressé. Parce que sinon, il ne restera plus personne. Il dit, cher, sinon, par Allah, il ne restera plus personne. يقول الشيخ فبعض الناس الآن يطاردون السلفيين حتى وصلوا إلى العلماء وسموهم مميعين. Il dit, certaines personnes courent derrière les gens. Ils courent pour faire tomber les gens, jusqu'à maintenant, ce que leur c'est, ils sont arrivés aux hommes de science, et ils ont appelé les hommes de science du Moumaïa, c'est-à-dire les hommes de science sont avec tout le monde. Du moment que l'homme de science ne fait pas tomber telle personne, ou la tombe telle personne, il y a un Moumaïa. C'est-à-dire, il n'a aucune particularité. Il ne fait pas de témise. Hein? Ils n'ont pas laissé Cheikh Ibn Baz en paix. Ils n'ont pas laissé Cheikh Mohamed Aman Jami, rahmatullah alayhi, en paix. Ils n'ont pas laissé Cheikh Al-Utaymin, ni Cheikh Mokbel, ni les vivants Cheikh Rabi', ni Cheikh Al-Fawzan, ni Cheikh Abdel Mohsin Labbad, ni Cheikh Obaid, ni autres. Ils n'ont laissé personne. Hein? Et les termes avec lesquels ils disent, certains gars, ils les rendent mécréants. Balak, crash, direct. Sans preuve, sans rien. Hein? Ceux qui les rendent mécréants, par Allah. Le biaba de la langue arabe, ils ne l'ont pas. Hein? Le biaba de la langue arabe. Je ne dis pas l'ajromia, je dis le biaba. Hein? Le strict minimum de cette langue, ils ne l'ont pas. Hein? Tu dis, moi j'y lis dans Durer Sania. Qui c'est les dons de Durer Sania? Avec quelle langue tu es rentré dans Durer Sania? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam en affaire. Mais c'est ce qui arrive à ceux qui ne reconnaissent pas leur place. Hein? Qui ne savent pas se tenir là où ils doivent être. Hein? Et respecter leur niveau. Hein, ce qui leur arrive, c'est de dépasser tout le monde, de vouloir être Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de son époque. Alors que, par Allah, si tu lui parles, de te traiter juste le sujet des monstrues, il va rester tmabdank. Hein? Et tu vas entendre. Alors que tu prends par exemple le sujet des monstrues, des sons, le chien monstrueux, etc. Hein? Et même Ahmed, il est resté 8 ans pour le maîtriser. 9 ans pour le maîtriser. 9 ans. Hada direct, il s'occupe. Qui est mécréant dans la communauté? Hein? Et comment on rend mécréant? C'est tout. Hein? Et s'il va au pèlerinage avec sa femme, si sa femme il a ses monstrues, ça y est, tout est perdu. Comment je fais pour un? Hein? Tawaf al-ifada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce stade-là où on est arrivé. Malheureusement. Hein? يقول الشيخ حفظه الله والآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا طعن به وفيه وهذه طبعا هي طريقة الإخوة المفلسين وطريقة أهل البدع فإن أهل البدع من أسلحة من يبدأوا بإسقاط العلماء بل هي طريقة يهودية ماسونية إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها اللي jusqu'à tel point, il dit Habibullah, jusqu'à tel point sur le terrain, n'est pas resté un homme de science qu'on n'a pas critiqué, qu'on n'a pas dénigré. Et il dit naturellement, ça c'est la voix de la secte des frères musulmans. Et il dit, ça c'est la voix de tous les gens de l'innovation. Parce que fait partie des armes des gens de l'innovation, c'est qu'ils fassent tomber les hommes de science. Pour que les jeunes se détournent des hommes de science, et pour qu'ils puissent s'accaparer de l'esprit de la jeunesse et faire de ce qu'ils veulent et les orienter comme ils veulent. Mais cette voie, c'est la voie des juifs et des francs-maçons. Il dit cette règle chez eux, il dit, quand tu veux faire tomber une idée, tu fais tomber la personnalité et les hommes de science de cette idée. C'est la règle. Si tu veux faire tomber une idéologie, une pensée, tu vas directement, tu fais tomber la tête. L'homme de science de la pensée ou les hommes de science de la pensée, hein, et ainsi tu y arrives à faire tomber l'idée et à la faire anéantir. يقول الشيخ فابتعدوا عن هذا الميلات الرذي واحترموا العلماء. والله ما يسعى في الكلام فيا ولا الطعن فيما نحن فيه إلا لتكون النتيجة إسقاط المنهج. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه والذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه يسير في هذا الطريق وهي مفتوحة لهم طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وغيرهم Éloignez-vous de cet héritage, de ce mauvais héritage, et respectez les hommes de science. Il dit, celui qui parle sur moi, c'est-à-dire qui parle sur Cheikh Rabi', qui critique Cheikh Rabi' et qui critique la voie dans laquelle est Cheikh Rabi' et les autres hommes de science, c'est pas pour la personne de Cheikh Rabi', c'est pour la voie qu'il défend Cheikh Rabi' et que défendent les autres hommes de science. Là, ce n'est pas eux qui sont voulus directement. Là, c'est la voix, c'est l'étendard de la voix des Puzéels qu'ils veulent. Ils tapent directement dans les emblèmes de cette voix pour faire tomber la voix. Pas croire que c'est quelque chose de personnel. Hada, il s'adresse à Hada parce qu'il y a une animosité ou une haine personnelle entre eux. Loin de là. C'est un problème de voie et de chemin. Hein? C'est pour barrer la route à la jeunesse qui ne se cramponne pas à la voie de ses puiseurs. Hein? Et ça, c'est une voie, cette façon de faire, de critiquer les hommes de science, etc., de la voie des puiseurs. C'est une voie ouverte et simple. Et c'est la voie des juifs, et c'est la voie des partis musulmans égarés, que ce soit Rawaf et d'autres, ça c'est leur voix. Et c'est une voix très facile. Hein? Ben, c'est facile que tu te lèves devant les gens et le comment ils acceptent. Hada, c'est le savant du palais. Hada, le savant du Al-Hakim. Hada, c'est la queue de la mule du Hakim. A'oudou billah. Et c'est simple. Et les gens, ils acceptent. Regardez, cet homme, il parle bien. Là, il ne sait pas que cet homme, c'est une vipère à cornes. Qu'il est en train d'injecter le venin qui va tuer toute une génération. Parce qu'une communauté qui ne respecte pas ces hommes de science, d'une dit non, c'est une communauté qui va à sa perte. Une communauté qui ne respecte pas ceux qui portent l'héritage de Mohammed alayhi salatu salam, c'est une communauté qui va à sa perte. Parce que le fait de ne pas respecter les récipients de l'héritage et ceux qui tiennent l'héritage de Mohammed alayhi salatu salam, c'est quelque chose de très dangereux. Hein? Ça veut dire, s'ils tombent, on ne prend pas la science qu'ils ont. Et si on ne prend pas la science qu'ils ont, vers qui on va tourner? On va tourner vers ceux qu'ils appellent les théoriciens du groupe, les penseurs. Hein? Là, certains gars qui avaient des doctorats en sciences bénéfiques, maintenant, quand ils le montrent sur certaines chaînes, c'est plus l'alim flan. On lui marque maintenant Al-Mufakir Islami. Hein? Comme c'est le Mufakir, c'est un grade plus que le savant. Alors que le Mufakir, ce n'est que tes pensées. Le penseur, filet. Ce n'est que tes pensées. Quant à l'alim, c'est se cramponner au livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam. Souvent, ce mot, on essaye de le rendre naturel maintenant. À travers les médias, que ce soit écrit, ou l'audio, ou là, tout, partout. Mais c'est de matraquer l'esprit avec le penseur. Pourquoi? Pour se détourner de l'homme de science, de ce qu'on appelle les hommes de science et de ceux qui portent l'héritage de Mohammed alayhi salatu salam à notre siècle. Il faut comprendre ce qui se trame. Là, rien n'est fait comme ça au hasard. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. فالروافض يبغضون الإسلام وما يقدرون أن يتكلموا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بهم يتكلمون في أبي بكر وعمر وعلماء الأمة يريدون إسقاط الإسلام لرافضة détestent l'islam. Ils ne peuvent pas parler directement de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent sur Abu Bakr, sur Omar, sur Othman, sur les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, hein, et sur les savants de cette communauté. Qu'est-ce qu'ils vont faire tomber l'islam, anéantir l'islam? Parce que quand tu es doué de raison, et quand tu rabâches H24 dans ton esprit, Abou Bakr est ceci, Abou Bakr a fait cela, etc., qu'est-ce que tu te viens à l'esprit? Bah, Mohammed alayhi salatu salam, qui s'est entouré de ces hommes mauvais et les mauvais, voilà ce qu'ils veulent, où ils veulent arriver à Adan Billah. C'est ça le but. Le but de d'immigrer. Aïcha, la femme la plus aimée du prophète alayhi salatu salam après Khadija, et le fait de d'immigrer, d'insulter Abu Bakr et Omar, ils veulent d'immigrer Mohammed alayhi salatu salam. Et partant de là, le message que prend Mohammed alayhi salatu salam. La même chose, ceux qui dénigrent les hommes de science dignes du nom, c'est qu'ils veulent faire tomber la sunna. Ils donnent le dos à la sunna. Hein? Parce qu'ils ont la haine contre la sunna. Hein? Parce que la sunna ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. La sunna, avec la compréhension du puiseur d'Allah alim, les oblige à prendre un chemin bien tracé, limité par Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, et ça ils ne le veulent pas. Ça, ils ne le veulent pas. يقول الشيخ وأهل البدع الكبرى إذا تكلموا فما يتكلمون في أحمد والشافعي ولكن يتكلمون في محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وأمثالهم ليسقطوا هذا المنهج فما محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية إلا سلسلة في حلقة بدأت من محمد عليه الصلاة والسلام و نزلت إلى أبي بكر وعمر وعثمان وأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي إلى يوم الناس هذا ما هي إلا سلسلة واحدة فإذا تكلموا في محمد بن عبد الوهاب وفي ابن تيمية فهم يريدون الوصول إلى سلف ابن تيمية وإلى سلف محمد بن عبد الوهاب نتذكر هذا جيدا لا يطلقون الكلام هكذا فقط لا تكلموا في محمد بن عبد الله فقط لا ماذا يحمل محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله لا يحمل إلا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث الذي حمله علماء هذه الأمة إمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي فكذلك ابن تيمية وكذلك ابن باز وكذلك الشيخ تقي الدين الهلالي وكذلك الشيخ ابن باديس فإذا تكلموا في هؤلاء فهم يتكلمون في الميراث في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc, les gens qui sont d'une grande innovation, quand ils parlent, là, ils ne vont pas directement critiquer l'imam Shafi ou l'imam Ahmed. Pourtant, certains, ils le font. Comme l'Ahbash, ils ne se gênent pas, ils le font. Mais, ils parlent sur qui ? Mohamed Ibn Abdelhad. Ils parlent sur Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Et pour les faire tomber, pour faire tomber. Et c'est qui Mohamed ibn Abdelhab et Ibn Taymiyyah ? Ce ne sont qu'un maillon d'une chaîne qui a commencé de Mohamed Ali, jusqu'à la fin. Jusqu'à Ibn Baz, jusqu'à l'Albani, jusqu'à au contemporain. C'est tout. C'est un maillon de la chaîne. Bah, quand ils critiquent Hado, Mohamed ibn Abdelhab, critique Ibn Taymiyyah, etc., alors ils veulent critiquer, ils veulent revenir. Qu'est-ce qu'il a fait de plus Mohamed ibn Abdelhab, Ibn Taymiyyah ? Sinon ils portent ce qu'ils ont hérité de l'imam Ahmed. De l'imam Malik. Et qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ahmed ? Il porte ce qu'il a hérité de Abu Bakr, radhiyallahu alayhi, et des autres imams, et des successeurs du compagnon de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la critique revient à quoi ? Revient à l'héritage qui nous vient de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein ? Je ne peux pas croire que si ainsi, là il tape sur Mohammed Abdelhab, là ça s'arrête là. Là, il y a Khalil Islam. Ça va plus loin que ça. Ou là, il tape sur Ibn Taymiyyah, là, ça s'arrête là. Là, il y a l'islam. Ça va plus loin. Ça critique la voie que porte Ibn Taymiyyah. Hein? La voie, l'étendard de cette voie, qui est la voie de nos plusieurs d'Allah, a été portée par Ibn Taymiyyah, par Ibn al-Qayyim. Il a été porté par Mohammed ibn Abdelhab. Et il a été porté à notre siècle par Ibn Baz, rahmatullah alayhi, jusqu'à sa mort, par Cheikh al-Albani, par Cheikh Mokbel, par d'autres et par les vivants qui sont Cheikh Fawzan, Cheikh Rabi, etc. Donc le fait de les critiquer, on revient à la critique de la voix. Là, ce n'est pas une critique de personne. Là, c'est une critique de cet héritage. Et que ces hommes ne sont qu'un maillon d'une chaîne qui commence par Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui descend jusqu'au dernier des puiseurs, des hommes de science qui suivent la voie de ces puiseurs d'Allah alayhi. Il faut comprendre cette situation et prendre conscience de cette situation. Et ce n'est pas une situation facile, à l'islam. C'est très dangereux. Wal-an. Fa, yaqul al-shaykh, هنا أناس ينشأون في صفوف السلفيين فما شعرت وإلا هم يشدخون في رؤوس العلماء لي il ne parle de cette époque de ces dernières années il dit certains ont apparu au milieu des salafis et tout d'un coup on les voit à taper et à critiquer les têtes des hommes de science directement les emblèmes de la science de notre époque ils les tapent directement hein? فيقول الشيخ هؤلاء ماذا يريدون فهنا الله عز وجل avance en avant زيد بارك الله فيكم يقول الشيخ هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله لدافعوا عن علمائهم، لأن الدفاع عنهم دفاع عن المنهج السلف رضو الله عليهم. Et dit ces gens-là qui agissent ainsi, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent Allah et le delà, et s'ils veulent faire triompher la voie du puissant d'Allah, ben ils devraient aimer cette voie et défendre les hommes de science de cette voie. Ainsi ils doivent, ils n'ont pas faire tomber les emblèmes de cette voie et les hommes de science de cette voie. يقول الشيخ فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم بارك الله فيكم واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم. Il dit حفظه الله تعالى: ne faites pas confiance à ces gens-là pour votre religion. Ne leur faites pas confiance. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Faites attention à eux. Faites attention à ce qu'ils trament. Et créez la fraternité. Et soudez-vous entre vous. يقول وانا اعرف انكم لستم معصومين وليس العلماء بمعصومين فقد نخطئ اللهم الا اذا دخل في رفض او في اعتزال او في تجهم او في تحزب من الحزبيات الموجوده فان هذا هو المنبود. Il dit je sais que vous n'êtes pas épargné de l'erreur. Il dit les hommes de science ne sont pas épargnés de l'erreur. Et on tombe dans des erreurs, et on fait des erreurs. Il dit, sauf maintenant si la personne, hein, ou l'homme de science, ou la personne tombe dans Rafd, dans la voie des Rafida, ou dans la voie des Mu'tazila, ou dans la voie des Jahmiya, ou dans un parti parmi les partis qui existent, ça c'est à rejeter. C'est ça qu'il faut rejeter. Hein. Mais l'erreur il se corrige à l'islam. Il y a le conseil. يقول أما السلفي الذي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وغير ذلك من علامات المنهج السلفي ثم يضعف في بعض النقاط فإن هذا نترفق به ولا نتركه ولكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعالجه بارك الله فيكم. Il dit quant au salafi qui s'allie avec les salafis et qui aime la voie du salaf radhiyallahu alaykum alayhim que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qui déteste les partis et les groupes de l'innovation et les gens de l'innovation, et qui aime tous les signes de la salafia et tous les fondements de la salafia et qui faiblit à un certain niveau. Il lui arrive de faiblir, c'est un être humain. Qui faiblit à un certain niveau. Il dit, celui-là, hein, on le... On lui prend la main. C'est pas on prend la main que je cherche, oui. On lui prend la main. On l'aménage, on lui prend sa main, hein. On le conseille, on le réoriente, essaye de le sortir de l'erreur dans laquelle, c'est de le tirer, de le repêcher de l'erreur dans laquelle il est tombé. Et on patiente sur lui, on lui donne le temps, on patiente, on utilise le langage adéquat pour le sortir de là, pour ne pas laisser s'enfoncer dans l'erreur. Beaucoup de nos frères sont tombés dans l'erreur, et au lieu qu'on les pêche, on les a enfoncés. Parce qu'on a fait l'effet contraire. Au lieu que ce soit le conseil Blati Ahsan, de quelqu'un qui est digne du conseil et qui sait faire le conseil, ben là, tout un chacun a commencé à lui faire la morale. Il a utilisé, dès le départ, un langage très dur avec. Ben, au lieu qu'il revient, il y a eu la barrière qui s'est créée. Il a tout repoussé. Si c'est comme ça, après tant d'années que je suis avec vous, et si vous agissez ainsi comme ça, il a tout repoussé. Il a renversé sa veste. Il aurait pu, peut-être, que si on avait utilisé le langage adéquat, la patience et la sagesse, et que des personnes qui savent parler lui parlent, au lieu que ce soit des personnes qui disent n'importe quoi et qui vont directement, hein, comme le marteau piqueur, l'air à l'islam. C'est des cœurs, hein. C'est pas de la roque, c'est pas une montagne que vous cassez pour faire un tunnel. C'est un cœur humain, hein. C'est un cœur humain. Il faut savoir agir avec. Hein? Et mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Tu n'es pas personne de nous, ni épargné de l'erreur. Et mets-toi à ta place. C'est, on vient avec dureté dans le langage et on s'adresse à toi avec le langage, comment tu vas faire? Hein? Et donc, puisque tu ne veux pas qu'on t'attaque sévèrement, ben je ne crois pas qu'il ne sait pas que quand on n'aime pas quelque chose pour soi, qu'on la fasse aux autres. Hein? Et ça, ça fait partie des caractéristiques du croyant. C'est de faire aux gens et de dire aux gens ce qu'on aime pour nous-mêmes. Hein? La même chose, quand tu vas voir ce quelqu'un, c'est un être humain comme toi, ben mets-toi à sa place. Et dis-toi, quel est le langage que tu accepterais? Comment tu peux? Hein? Et regarde, si on te parle sévèrement, quelle sera ta réaction? Et si on te parle comme il se doit, comment ça va être ta réaction? Et quand le cherche celui-là, on patiente sur lui. On essaye. Amma an yuqal man akhta'a halak, fa'ala hada falan yabqa ahad. Ou si on dit, tout un chacun qui est tombé dans l'erreur, il a péri, mais il ne restera plus personne. Hein? Il ne restera plus personne. Qui épargne de l'erreur? Qui ne fait pas des erreurs? Il y a un être humain qui ne fait pas des erreurs. Alors, واحد qui était ma'soum, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Le reste, tout un chacun, chacun à son niveau, commet des erreurs. ولهذا فترى هؤلاء لما فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يسقطونهم. فهذا منهج الإخوان المسلمين. Il dit, tu vois ceux-là qui ont agi ainsi, quand ils ont fait tomber les jeunes, ben, il ne reste plus rien. Ils ont fait tomber tout le monde dans leur filet. Qu'est-ce qu'il leur reste? Les hommes de science. Allez, un par un. Allez, vas-y. À la pêche. À la chasse aux têtes. Hein? À la chasse aux têtes. Aden billah. Et ils s'orientent vers les hommes de science qui ont voué leur vie à défendre les héritages de Mohammed alayhi sallam. يقول الشيخ فقد دخلوا في البلاد وهو ما بدأوا به إسقاط العلماء وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب والبنا والمودودي وغيرهم من أهل البدع وأسقطوا علماء المنهج السلفي ووصفوهم بأنهم علماء وجواسيس وعلماء سلطان إلى غير ذلك من الاتهامات فما قصدهم ما قصدهم qui sont rentrés en Arabie Saoudite. Comme ils se sont propagés un petit peu partout. La première des choses, là où ils arrivent, comme ils l'ont fait en Arabie Saoudite, qui les a accueillis, hein, parce qu'il les a accueillis du massacre, de la chasse, que leur faisait Jamal Abdel Nasser. Il leur a donné asile. Il leur a donné des postes honorables dans l'enseignement. Et après, ils lui ont fait des enfants dans le dos. Ils l'ont poignardé dans le dos. Ils ont propagé les idées, hein, ils ont fait revivre le ménage d'El Khawarij avec les pensées de Sayyid Qutb, les pensées d'El Benna, les pensées d'El Maududi et d'autres parmi les gens de l'égarement. Ils ont fait tomber les têtes de la science et de la voix des puiseurs d'Allah Alayhi. Ils ont désigné ces hommes de science comme quoi, hein, ce sont des espions. Ce sont des savants du gouverneur et d'autres accusations. Certains sont allés même à dire de Cheikh Nasser, agent du Mossad. Aidan billah. Hein? Imagine ça. Agent du Mossad. Un homme de science devient agent du Mossad. A'oudou billah. Hada huwa al-khudlan bi'ayni. Man khadalahu Allah. Hakadha yakun. Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? C'est quoi leur but? قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه والذين يطعنون الآن فإنهم يقولون عن أنفسهم إنهم سلفيون ثم يتعاضون في علماء السلفية. Leur but c'est quoi? C'est faire tomber la voix du Nupuzer d'Allah Alim. Qui est la voix de Mohammed alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et accomplir et instaurer des fausses voix à la place et des voix de l'égarement. Hein? Ainsi. Et ceux qui critiquent maintenant, ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont salafis. Et avec ça, ils critiquent les hommes de science d'Yal Salaf Radouallah Alim. Hein? Mada yuridoun? Yuridoun arf arayat l'islam? Ou arf arayat sunna ou l'manaj salafi? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Ils veulent porter l'étendard de l'islam et l'étendard de la voie de notre puiseur d'Allah Alim. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? أبداً أبداً لا يريدون هذا. هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. Jamais de la vie, jamais ils veulent que cette voie triomphe. Mais ça, ce sont des signes et des preuves qui prouvent qu'ils sont des menteurs, que ceux-là sont accusés dans leur religion. Accusés. Malgré ce qu'ils prétendent pour eux-mêmes. يقول الشيخ فأنا أوصيكم يا إخوة وأركز عليكم أن اتركوا الفرقة وعليكم بالتآخي وعليكم بالتناصر على الحق وعليكم بنشر هذه الدعوة بين طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. الشيخ دودير à cette assemblée de demandeurs de science, je vous conseille mes frères et je vous recommande de délaisser la division et de créer la fraternité et de chercher et de créer la fraternité entre vous et de s'allier pour faire triompher la vérité. Et il vous appartient, il est votre devoir de propager cette dawa entre eux, les étudiants de l'université et autres, et entre tous les gens. Il a propagé, comme il se doit, une dawa pure, authentique, avec sa plus belle image, et non pas une image défigurée de cette dawa. Hein? Comme le veulent ceux-là dont il a parlé cher auparavant. Et qu'au le cher, « Qaddimu al-da'wat al-salafiyya, kama qultu lakum » بالصورة البهية. قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال الشافعي قال أحمد قال البخاري قال مسلم وكذا أئمة الإسلام الذين يحترمونهم ويوقرونهم أوقفوهم على كلامكم على كلامهم بارك الله فيكم فهذا يساعدكم إلى حد بعيد. اللي حفظه الله تعالى présenter la da'wa ديال السلف رضي الله عليهم. Comme je vous l'ai dit, présentez-la dans la meilleure des images et la plus belle des images. Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, Shafi'i a dit, Imam Ahmed a dit, Al-Bukhari a dit, Muslim a dit, et les autres imams de l'islam qui sont respectés par les hommes, que les gens prennent en considération. Ramenez les gens vers la parole de ces hommes de science qui respectent et vers ces imams de la science que les gens respectent. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Il dit ça, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup dans le chemin de l'Dawa. Na'am yaqul al-shaykh, satajidouna ba'd al-nasi yu'anidoun, lakin ma kull al-nasi yu'anidoun. ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة أو إذا عدتم إلى بلدكم. استخدموا هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح والعقائد الصحيحة والمنهج الصحيح. Il dit certes, vous allez trouver des gens qui sont têtes, hein, et qui veulent litiger avec vous, polémiquer. Mais pas tous les gens vont s'entêter. Beaucoup de gens vont accepter. Si la vérité leur est bien présentée, ben ils vont accepter. Hein? Et il dit, vous n'avez qu'à la présenter comme il se doit, que ce soit à l'université, que ce soit quand vous revenez chez vous, utilisez ces voies de la sagesse pour attirer les gens vers le livre d'Allah, vers l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam, et vers la voie du puiseur d'Allah alayhim, et vers les croyances authentiques, et vers la voie authentique de cette religion. La même chose pour nous, Khoda Islam. La même chose. Il faut utiliser le langage adéquat. Hein? La sagesse et le doigté avec les gens. Et qu'on ne soit pas des obstacles. Soit plutôt un chemin préparé pour que les gens y passent dessus pour arriver à la voie du puiseur d'Allah. Hein? Et qu'on ne soit pas des obstacles devant les gens. Que ce soit par notre comportement, par notre manque de science, par notre manque de patience, de sagesse, etc. فيقول الشيخ صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الإنس والجن وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم على الحق وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم وأسأل الله أن يحقق ذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ainsi se termine avec ce dua la conférence de Cheikh Rabi Hafidhahullah. J'attire votre attention sur une chose. Cette conférence s'est faite sur 1h30 de temps. En arabe, 1h30 de temps, tu prends ta leçon. Là, on y a passé 4h30 avec l'interprétation. Vous voyez le temps qu'on perd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu combien de temps? 3 heures. Ces 3 heures, on aurait pu les passer à autre chose. Hein? C'est pour ça qu'il faut s'acharner à apprendre la langue arabe. Hein? C'est pour ça qu'il faut s'acharner à apprendre cette langue arabe comme ça, cette cassette et autres. Et les orientations des hommes de science, tu la prends directement, tu la passes. Tu l'as en 1 heure, en 1h30, tu arrives directement au but. Hein? Mais la langue arabe te facilite beaucoup de choses. Et t'ouvre, c'est une clé. Il faut que tu ailles directement, tu goûtes directement de toi-même la parole des hommes de science. Hein? Et cette traduction, tu la prends comme une béquille. Est-ce que l'être humain marche avec des béquilles? L'origine de l'être humain, c'est qu'il marche avec ses pieds. Mais, qaballah, il lui arrive un accident. On lui met un plâtre. Après, on lui enlève le plâtre. Après, on l'emmène chez le kiné et le temps de la réadaptation. Il faut qu'il revienne à son origine. La même chose, prenez cette traduction. Hein? La même chose, une béquille. Vous vous endormez pas dessus, barakallahu fikoum. Maintenant, on va, le temps qui reste jusqu'à l'Omrub, Inch'Allah, on va voir les questions qui lui ont été posées à la fin de cette conférence et les réponses qu'il a données, hafidhahullah ta'ala. Sual awul. Yaqul, Uzawilu mihnata naqli bida'atin bisayyarati. Fa'al yajouzu li an anqula bida'ata ahadit tujjar. Wallati hiya ibaratun an masahif wa utur. ومجلات في العلوم الشرعية للعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين. La première question, la personne qui lui a posé la question lui a dit, je transporte de la marchandise dans ma voiture. Pour un commerçant, cette marchandise c'est des livres, c'est du Coran, c'est des parfums, c'est des revues scientifiques de certains hommes de science qui sont connus de par la sunna, hein, que ce soit les anciens ou les nouveaux, mais dans ces livres, il y a certains livres des hommes de l'innovation, et certains livres des gens qui ne sont pas connus. La réponse. Ana ara anna naqlaka li kutubi ahli al-bid'a wal majhoulin min at-ta'awun 'ala al-ithmi والعدوان فأرى أن لا تنقل أترك هذا الرجل واذهب إلى غيره فإن أبواب الرزق مفتوحة انقل بضائع خضار انقل حاجات أخرى من الأمور التي ما فيها شبه ولا حرام. الشيخ de lui répondre, hein? Je vois qu'il ne faut pas que tu transportes les livres des gens de l'innovation, et les livres de gens qui ne sont pas connus. Parce que ça, ça fait partie du fait de s'entraider sur le mal. Et je vois que tu dois délaisser le travail avec cet homme. Tu ne dois pas, va chercher autre chose. Transporte les légumes pour un vendeur de légumes. Transporte pour qui que ce soit. Les portes de la subsistance sont grandes ouvertes. Hein? Transporte autre chose sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? Ce altan, ya fadila de sheikh, إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه فهل يلزم نصحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟ شيخ quand l'homme est tombé dans des erreurs qui implique qu'il faut avertir contre lui, est-ce qu'on le conseille auparavant ou là on avertit directement les gens? الجواب إذا كان شره مستطيرا بادر بنصحه وهذا أنفع فإن قبل وإلا فحذر منه لعل النصيحة الطيبة تنفعه قد ينفعه الله سبحانه وتعالى بها ويرجع عن باطله ويعلن خطأه بارك الله فيكم لكن لما تأتي تصدمه بالرد فقد لا ينقاد لك فتبدل الوسيلة التي يكون لها الأثر الطيب لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبدي له شيئا من اللطف سيرجع إن شاء الله ويعلن خطأه وفي هذا خير كبير أنفع من الرد عليه ولهذا فإني الشيخ يقول عن نفسه فإني أقدم النصيحة أولا ثم إن بعض المنصوحين يستجيب وبعضهم لا يستجيب فالذي لا يستجيب فإننا حينئذ نضطر أن نرد عليه إذ لم يكن إلا الأسنة إذ لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلى ركوبها. Il dit pour la réponse, si cet homme son mal est grand, tu dois courir tout de suite. La première des choses, c'est que tu ailles le conseiller. Et ça, c'est mieux. C'est que tu ailles le conseiller en priorité. S'il accepte de toi, c'est bon. Sinon, à ce moment-là, tu avertis contre lui. Peut-être qu'en allant le conseiller, et que tu utilises le bon comportement, le bon style dans le conseil, peut-être que ça va lui être bénéfique. Et qu'il va accepter le conseil, qu'il va revenir de ses erreurs, sur ses erreurs. Et il va déclarer ses erreurs. Hein? Mais si tu le heurtes directement avec un rad, une réplique, peut-être qu'il ne va pas accepter. Il dit, cher, d'abord, tu utilises le moyen qui sera le mieux pour lui. C'est-à-dire, tu utilises la hikmah, le meilleur des styles. Donc, quand tu lui fais le conseil, entre toi et lui, pas en public. Entre toi, parce que si tu fais le conseil en public, c'est plus un conseil, c'est une fdeha. C'est une 32. Hein? Et toi, si tu es dans une erreur, tu n'aimerais pas qu'on la propage. Ben, en lui faisant le conseil dans une assemblée, là, tu dis à tout le monde, là, il est tombé dans l'erreur. Tu le déclares. Il ne va pas accepter Akhal Islam. Donc, entre toi et lui, il est cher. Et quand tu es dans le conseil, tu lui montres que tu as pitié pour lui. Hein? Tu lui fais sentir dans ton conseil ton amour pour lui, le fait qu'il faut qu'il revienne, etc. Peut-être que, Inch'Allah, dit Cheikh, il va revenir en agissant ainsi. Il va déclarer ses erreurs, et il va désavouer ses erreurs. Et ce sera mieux que le fait de lui répliquer. Et il nous donne des exemples, lui. Il dit, c'est pour ça, moi, je donne le conseil, en priorité. Et en premier lieu, je fais conseil. Certains qui sont conseillés, répondent au conseil. D'autres, ils ne répondent pas. Et celui qui ne répond pas, dans ces cas-là, on est obligé de lui faire la réplique qu'on a fait. Hein? On est obligé de lui faire la réplique. Mes chers, je vous le répète encore une fois. Avant de répliquer à quelqu'un, voilà, des fois, ça dure des années. 8, 10 ans et plus pour certains. Ra Falh aura presque 30 ans de conseil. Mais quand son mal est devenu trop flagrant, tu es obligé qu'il parle. Hein? Les hommes de science, une fois, dans une assemblée chez Cheikh Rabbi, il y a quelqu'un qui est rentré et qui avait des erreurs, etc. Il a dit comme ça, « Cheikh Adi Tatilo !» Subhanallah, comme si Cheikh Adi Atinnez. Subhanallah. Quoi, parce que certains croient que Cheikh Rabbi, il a juste, il fracasse. Là, il y a l'islam. Cheikh Rabbi est un éducateur. Cheikh Rabbi est un enseignant. Hein? Cheikh Rabbi est un des hommes de grands conseils. Il sache que pour certaines répliques, là, il les écrit et il les envoie d'abord. Ibn Baz, par exemple, en ce qui concerne là, le conseil pour Abdelrahman Abdelkhalq du Koweït, l'Égyptien du Koweït. Ça a duré plusieurs années. Et après, quand il voit qu'il ne répond pas et qu'il fait des esquives, il a tout réuni, il les a envoyés à Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz a envoyé une lettre à Abdelrahman Abdelkhalq. Il lui a dit, mais où l'application, c'est ce qu'il te demande ton frère Rabih. Hein? Il ne faut pas croire que la réplique se fait comme ça. Hein? On croit que la réplique, c'est un chant comme ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a rien du tout. Ça, ce que les hommes de science qui font la réplique, ce sont de grands conseillers, avant tout. Parce que pour eux, l'intérêt, c'est que la personne revient à la raison, revient à la vérité. Tu imagines? Tu perds un homme de science qui a 20 ans, 30 ans sur champ d'Yel Dawa. Alors c'est une grande perte. Hein? C'est une grande perte. Et les hommes de science voient très loin. Qu'est-ce que ça va causer comme division? Hein? Et c'est pour ça qu'ils utilisent tous les moyens. Et des fois, ils se font aider par d'autres hommes de science pour le conseil. Combien d'assises y a eu à Médine avec Aboul Hassan? Et avec de grands machaïrs à Médine, pour essayer de, hein, qu'il revienne sur ses erreurs, etc., etc. Avant que les répliques nous tombent. Maintenant, on croit que la réplique vient du jour au lendemain, comme ça. Là, l'islam, c'est pas comme ça. Hein? C'est pour ça, quand on agit avec nos frères, il ne faut pas agir sévèrement comme ça et avoir le pistolet et le descendre. Là, l'islam, il faut avoir de la compassion pour ton frère. Dire, si ça t'arrive, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te fasse? Est-ce que tu voudrais qu'on te tire aussi? Je ne voudrais pas. Donc la même chose après l'islam. Hein? Et en plus de ça, ce n'est pas à nous de faire des répliques après l'islam. Nous, on n'a pas à faire des répliques. Nous, on propage les répliques des hommes de science quand il le faut. Hein? On propage les répliques des hommes de science quand il le faut. Tel savant a dit, et on transmet à la lettre. Sinon, on ramène la cassette, ou là le livre, ou là la risale de Cheikh Tiahri. Voilà ce qu'il dit sur tel, voilà ce qu'il dit sur tel. Et on ne rajoute pas notre poivre et notre sel. Parce que des fois, à force de la parole, la critique, il arrive à celui-là, il rajoute son grain, l'autre il rajoute son grain, après, je ne sais plus où il est la parole, la vérité dans la parole d'El Cheikh. Et la parole d'El Cheikh prend toute une autre dimension. Hein? فيقول السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ متى نستعمل اللين يقول يا فضيلة الشيخ متى نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي المعاملات مع الناس et la troisième question il dit hein, Cheikh, quand est-ce qu'on utilise la douceur et quand est-ce qu'on est on est sévère dans la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala, ferme et sévère dans la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre comportement avec les autres. Hein? Al-jawab, al-aslu fi da'wati al-lin wal-rifq wal-hikma, wa hada huwa al-aslu fiha. Fa'idha wajadta man yu'anid, wa la yaqbalu al-haq, wa tuqimu alayhi al-hujja, wa yarfad, fa'hina idin, tastakhdimu al-rab. La réponse est, l'origine dans le da'wa, c'est la douceur, la sagesse et le doigté. Hein? Et le bon comportement. Ça, c'est l'origine. C'est la base. C'est la source de la da'wa. Et quand tu es en face de quelqu'un qui s'entête, qui n'accepte pas la vérité, tu accomplis l'épreuve contre lui. Et si il refuse à ce moment-là, tu utilises le langage de la réplique. وَإِنْ كُنْتَ سُلْطَانًا وَهَذَا دَعِيَا فَتُؤَدِّبُهُ بِالسَّيْفِ وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ يَصُرُّ عَلَى نَشْرِ الْفَسَادِ. Et si tu es gouverneur, et lui c'est un da'i, bah tu, dans ces cas-là, tu le corriges. Là ça, le gouverneur il a le droit de corriger un da'i qui propose le mal, soit par la prison, soit ça peut arriver jusqu'à la sentence de mort. Hein? فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق فهذا ينصح ثم تقام عليه الحجة. Et il y a un certain nombre de sciences dans les différentes écoles de jurisprudence qui voient que ce da'i qui propose le mal, hein, fait plus de mal que les brigands qui coupent la route, que les bandits de la route. Hein? Son mal est très grave. Et on lui fait le conseil, et on accomplit la preuve en tous les cas. Le conseil se fait, on accomplit la preuve, et après, فَإِنْ أَبَا فَحِينَ إِذِنْ يُلْجَأُ يَلْجِئُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِي إِلَى عُقُوبَتِهِ قَدْ يَكُونُ بِالسِّجْنِ قَدْ يَكُونُ بِالنَّفِي قَدْ يَكُونُ بِالْقَتْلِ. Donc celui-là, ce da'i qui propage le mal, après le conseil, après l'accomplissement de la preuve contre lui, qu'est-ce qui se fait? On s'oriente vers le gouverneur. Et le gouverneur va utiliser, hein, le châtiment. Soit il va l'emprisonner, soit il va le faire exiler dans une région où il n'y a plus personne dans laquelle il va propager son mal, soit c'est la sentence de mort si son mal est trop grave. Hein? Hein, là, ce sont les étapes. وقد حكموا على الجهم بن صفوان وعلى بش المريسي وعلى غيرهم بالقتل ومنهم الجعد بن درهم. Il y a eu des sentences contre certains qui propageaient le mal, comme le Jahm ibn Safwan, hein, celui qui porte le nom de la secte de Jamia, Bishr al-Mirrisi et autres. La sentence était qu'il se fasse tuer. Et aussi le Jahd ibn Dirham. Jahd ibn Dirham, un des gouverneurs d'un khalif, est descendu du manbar de l'Aïd. Et il a dit aux gens, sacrifiez vos bêtes, moi je sacrifie le Jahd ibn Dirham. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à Moussa. Et la sentence, il l'a accomplie. Trop grave de dire qu'Allah n'a pas parlé à Moussa. Hein? Il ne jouait pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَكَدَا حَكَمَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنْ يُعَانِدُ وَيُصِرُّ عَلَى نَشْرِ بِدْعَتِهِ وَإِذَا نَفْعَهُ اللَّهُ وَتَرَاجَعَ فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ. Et ainsi, les sentences des hommes de science, pour celui qui s'entête, et qui s'entête à propager son innovation. Mais si le conseil lui a été bénéfique, et il est revenu, c'est ce qui est demandé. Ce qui est demandé, ce qui est voulu, le but, c'est qu'il revient de son erreur. Hein? C'est qu'il revient. Ah, dès le but. Mais s'ils sont en tête, etc., après l'affaire, ils donnaient aux hommes de science, hein, au gouverneur. Les hommes de science l'orientent directement au gouverneur, parce que chacun, il a sa place. Hein. Et la fonction d'un ne peut pas se remplir avec l'autre. La fonction de l'homme de science, c'est d'éclairer les gens sur ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fonction des gouverneurs, c'est d'accomplir la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, éclairée par les hommes de science. هذا c'est l'origine. السؤال الرابع يقول بعض الشباب كما أننا نقلد الشيخ الألباني رحمه الله في أغلب الأحاديث كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا هل هذا الكلام صحيح؟ La quatrième question. Certains jeunes disent à Cheikh, comment on imite Cheikh Nasr رحمه الله dans l'authentification des hadiths, aussi il nous est permis d'imiter les imams de la réfutation et de l'éloge à notre époque. Est-ce que cette parole est authentique? Le jawab. Al-Sheikh al-Albani, wa qablahu ulama akbar minh, مثل أبي داود والترمذي والنسائي الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين. يلدي حفظه الله تعالى الشيخ الألباني يابون لوي de grands savants tels que plus grands que Cheikh Nasr rahmatullah alayh, tels que l'imam Abi Daoud, tels que Tirmidhi, Nasa'i et autres, celui qui regarde leurs paroles et le jugement qu'ils ont émis sur les hadiths sont deux sortes de personnes, ils sont devant deux situations. Imma an yakuna jahilan la yumkinu an yusahhiha wa yudha'if hadha yuqallid. Soit il va être un ignorant comme toi et moi, et dans ces cas-là, on ne peut ni faire ni l'authentification, ni rendre un hadith faible, dans ces cas-là, on imite ces grands hommes de science. Et parmi eux, Cheikh Nasr. Wa imma insan mutamakkin, talibu ilmin qawi, alimun mutamakkinun, min al-tamyiz bayna al-sahih wa al-da'if, indahu qudra, tu'ahiluhu lihada al-tamyiz bayna al-sahih wa al-da'if, yadrus tarajim al-rijal. ويدرس العلل وكذا وكذا لتكون النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح وطرق أهل الجرح والتعديل. Il dit, ou alors, c'est une deuxième personne qui a de la science, qui est un demandeur de science, mais qui a les fondements de la science, et qui est capable de faire la différence et la part des choses, qui est capable de faire la différence entre le faible et l'authentique, et qui a une capacité, il y a une capacité qui lui permet, il y a des fondements, il a étudié, qui lui permettent de faire, d'analyser et de faire, et de savoir, ça c'est un hadith faible, ça c'est un hadith qui ne l'est pas, et qui est capable d'étudier, en étudiant les biographies des hommes de la chaîne de transmission, en étudiant les causes qui font que le hadith, il est faible ou là, il devient bon ou autre, et ainsi de suite, pour, s'il a ces outils-là, en agissant ainsi, peut-être que quand il va se pencher sur le titre de cette chaîne de transmission, etc., sa sentence, puisque il est digne de faire cet effort-là, la sentence, le jugement sur lequel il va s'arrêter, il va être compatible. Et il va être le même jugement que l'imam, ou là il va être différent. Ça revient à lui. Mais tout ceci se fait selon la recherche scientifique, qui est basée sur la voie authentique et sur la voie des gens d'Al-Jarh wa Tadlil, qui est la science de la réfutation et de l'éloge. Hna, on est loin de ça. Hna, on est très loin de ça. Hna, on prend ce qu'ils ont identifié. Celui qui a, Hadou, c'est différent. Leur devoir, c'est de se pencher sur les chaînes. C'est leur devoir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, on prend le travail, il est fait déjà. C'est un bienfait min Allah, Azza wa Jal. Bah, dis-toi bien que ce n'est pas une situation facile. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup. Tes ménages et tes neurones vont brûler. Alors ne crois pas qu'un hadith, il vient par une seule voie. Ne crois pas que les causes qui vont faire la validité ou la faiblesse d'un hadith, ils sont clairs aussi clairs que ça. Alors des fois il faut les chercher. Tu vois comment on cherche les petites épines très fines de la figue de barbarie avec les pinces à piler. C'est comme ça qu'ils cherchent les hommes du hadith, ce travail là minutieux. Et des fois sur une chaîne de transmission, ça peut durer 10 mois. Cheikh Nasr, sur certaines chaînes, ça a duré plusieurs mois. Alors, il ne faut pas croire que la situation est facile. Et que là, nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister des hommes qui ont fait un travail colosse avec nous. Il y a 2 ans qu'on a rencontré avec certains frères de Jitta, Ada, Cheikh Baz Moulhavidallah, et qui sait ? Il a dit, nous, on n'a pas à s'attaquer au travail qu'il a fait Cheikh Nasr, rahmatullah alayh. Mais on a à commencer, notre point de départ doit se faire à partir de là où Cheikh Nasr a terminé. C'est extraordinaire. C'est un homme de science. Il y a un homme qui est authentifié, etc. Et qui a de la science. Et regardez ce qu'il dit. Hein? Nous, on a à démarrer notre travail de là où Cheikh Nasr a terminé. Cheikh Nasr a authentifié les hadiths, les paroles et les actes du prophète. Nous, on a authentifié les paroles des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, leurs actes, leurs verdicts, leurs fatwas, etc. Pour arriver à accomplir quoi? Arriver à accomplir sur ces da'wah, hein, que propageaient Mohammed ibn Wahhab, Ibn Taymiyyah et Cheikh Nasr dit al-Albani ces dernières années, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, avec la compréhension du puiseur d'Allah. Hein? ويقول الشيخ نعم ثم التقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه il dit et en ce qui concerne la refute et l'éloge c'est la même situation que le fait de travailler une chaîne de transmission c'est comme ça que ça doit être ça veut dire que moi et toi au niveau du jarh et ta'dil on jarh personne on aide les personnes on prend la voie disons de science et celui qui est demandeur de science et qui a les outils pour faire la part du... Lui, il doit chercher, il doit travailler, il doit faire des efforts. Il doit creuser ses méninges. Et moi et toi, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rendu facile. Donc on ne se la complique pas, quoi, l'islam. Hein? Qu'on ne se la complique pas. Et qu'au moment où ça devient compliqué dans ton esprit, tu prends le combiné de ton téléphone et tu téléphones à qui de droit. Hein? Quand tu sais téléphoner, utiliser le téléphone pour qu'on te livre la pizza, bah, dès qu'il s'agit de l'erreur chez quelqu'un ou là de quelque chose de ta religion, bah, tu prends le réflexe tac, tac, tac, tac, pour poser la question, pour sortir de ces ambiguïtés. Il faut que ça devienne inné en nous. Chercher pour notre religion, pour que ça, le réflexe de poser des questions devient inné en nous. Il faut que ça doit être naturel. Hein? Si on le fait pour notre bas monde et pour notre ventre, qu'est-ce qu'il en est pour notre religion ? Pensez-y, barakallahu fikum. فيقول الشيخ بارك الله فيكم يعني لو أن إنسانا لا يتمكن من العلم وقف على كلام للبخاري لمسلم لأبي داود فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان واهي فلان مطروق فلان كذا وما وجد أحدا يعارضه يقبل كلامه لأنه خبر من الأخبار ما هو فتوى يقبله لأنه خبر من الأخبار وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et si quelqu'un ne sait pas, n'a pas les moyens, il n'a pas la science, hein? Donc il s'arrête sur les paroles de l'imam Bukhari. Imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abi Daoud, qui dit, telle personne, c'est un menteur. Telle personne, il est mauvais dans sa mémorisation. Parce que ça, ce sont des critiques que tu entends, qui vont faire, qui vont jouer sur... que le hadith il soit bon, authentique ou la faible. Hein? Et c'est des termes qu'utilise le muhadithoun dans la critique des chaînes de transmission. Tel est le menteur. Et ils utilisent « Hadam Jhoul », il n'est pas connu du bataillon. Donc le Mjhoul, on ne prend pas. Hein? Celui-là, sa mémoire est mauvaise. Il n'a pas une bonne mémoire. Et celui-là, il se fait des illusions. Et celui-là, ils l'ont délaissé. C'est-à-dire, ils ont délaissé son hadith. Matrouk. Et celui-là, il est tel, et celui-là, il est tel. Et personne ne s'est opposé à ces genres de sentences qui sont immées sur quelqu'un. Hein? Tu es obligé de prendre cette annonce. Parce que ce n'est pas une fatwa, ce n'est pas une réplique. Ce n'est pas une fatwa, c'est une annonce. Et quand l'annonce te vient d'un tiqa, d'un din, de confiance, c'est obligatoire que tu la prennes. C'est obligatoire que tu la prennes. Et sache, frère Allah Azza wa Jal, que les hommes du hadith, et ceux qui, surtout ceux qui se sont occupés de la science d'Al-Jarh wa Ta'dil, sont que des grands dignes de la communauté. Que ce soit dans leur wara, que ce soit dans leur zuhd, dans leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. يقول الشيخ لكن إذا كان طالب العلم طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه ثم وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه فإن حينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح لا يسلم لهذا الجارح طالما هناك عالم آخر يعارضه في هذا التشريح. Mais il dit c'est maintenant c'est quelqu'un qui a de la science. Il est tombé sur quelqu'un qui est en divergence avec cette critique qui a été émise par cet imam. Un autre imam est en divergence avec lui, a émis une autre critique. Une bonne critique. Dans ces cas-là, lui, il doit chercher l'explication de cette réfutation. Parce qu'il ne peut pas prendre comme ça, mon content de cette réfutation, dans ces cas-là, puisqu'il y a un qui jrah, il y a un qui zaki, parce qu'elle est obligée qu'il aille chercher la réfutation détaillée dans ces cas-là. Hein? Tant qu'il y a une opposition, dont une contradiction, ou la deux paroles d'hommes de science qui s'opposent l'une à l'autre, dans ces cas-là, celui qui a la science, il est obligé d'aller chercher le détail de la réfutation. Mais Ada, il n'est pas à moi, ni à toi. Donc nous, on est tranquille. Hein? On n'est pas arrivé à ce stade-là. Donc, on prend la facilité, le côté facile. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala que la situation est une situation d'isance pour nous. Hein? Et de facilité. فيقول الشيخ فإذا لم يعارضه أحد يقبل وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح بارك الله فيك. Il dit compte, cette réfutation et cette critique qui a été émise n'a pas été contrée par quelqu'un d'autre, il est accepté. Mais s'il est contré par quelqu'un d'autre, il faut chercher le détail de cette réfutation. والأمر موجود في كتب المصطلح وكتب علوم الحديث. Ce sujet il est détaillé dans les livres de la terminologie et le lexique des termes du hadith et les sciences du hadith. Mais hada, c'est une science que tu ne peux pas apprendre tout seul. Ces termes techniques, tu ne peux pas, il ne faut pas croire. Parce que tu peux leur donner une signification linguistique et ça ne veut rien dire. Hein? La signification technique, c'est tout à fait autre chose. Des fois, il n'a rien à voir avec la ce que tu connais en langue arabe. Hein? C'est pour ça que c'est une science qui se prend directement chez les hommes de science. Ça demande du temps. Ça demande de retrousser ses manches. Hein? Et de brûler ses neurones. يقول الشيخ هذا الشيخ معروف عند طلاب العلم فراجعوه في مقدمة ابن الصلاح وراجعوا في فتح المغيث وراجعوا تدريب الراوي وراجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث وعلوم في هذا الشأن كتب علوم الحديث وعلوم الجرح والتعديل. Il dit cette situation elle est connue des demandeurs de science. Il dit réviser l'introduction de Ibn Salah. Donc si cette révision elle est destinée à qui? À ceux qui sont déjà la science, qui sont des demandeurs de science, qui sont des demandeurs de la science du hadith. Et réviser Fath al-Mughith qui concerne aussi cette science et Tadrib al-Rawi l'entraînement du rapporteur. Hein? Et réviser les livres qui sont écrits dans ce sens-là, en ce qui concerne la science du hadith et la science d'yel les hommes, la science d'yel jarh wa ta'dil, de la réfutation et de l'éloge. Au sual al-khamis, yaqul Alladhi dhakartum hafidhakum Allah, hal lahu maslakun sahihun fi da'wat al-salafiyya, wa hal hum fi sufufi al-salafiyyin, du'at yarmuna kulla shakhsin بالتمييع لمجرد خطأ وارجو منكم التمثيل. La question, la cinquième, il a rapport avec des paroles qui ont cité, que le Cheikh a cité dans la conférence. Est-ce que vous avez cité que Allah vous préserve? Est-ce que c'est ça, c'est une voix authentique dans le Dawah Salafia? Est-ce que ces gens-là font partie? Est-ce qu'ils sont dans les rangs des Salafis? Est-ce que ces deux hâtes qui désigne tout un chacun comme quoi il est moumaïyeh, qu'il est avec tout le monde. N'importe quel courant qui vient, il est avec, il est moumaïyeh. Il n'est pas particulier. Hein? Parce qu'il est tombé dans une erreur, une seule erreur, il le désigne comme quoi il est moumaïyeh. Et lui dit, est-ce que Hadou, ils sont dans les rangs des salafis. Et il lui dit, j'espère que tu nous donnes un exemple. Cheikh, il lui dit, le jawab, la da'iyya li tamthil. لكن هذا موجود وانتم تعرفونه. Et ça, c'est une sagesse de la part du Cheikh. Cheikh lui répond, je n'ai pas besoin de te donner un exemple. Mais ça, c'est connu, et vous le savez. C'est une sagesse dans cette réponse. Dites que ceux qui sont présents, peut-être que parmi l'assistance, il y a des gens qui sont dans cette situation-là. S'il les désigne ou là quoi que ce soit, peut-être qu'ils ne reviendraient pas. Hein? Il dit ça, vous le connaissez. هذا امر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما لا شك انه موجود ونسال الله ان يقضي على هذه الفتنه فانها والله اضرت بالدعوه السلفيه كثيرا لا هنا فقط بل في الدنيا كلها فهذا مذهب جديد لا يعرفه اهل السنه رمي اهل السنه بانهم مميعون يعني مبتدعه وتقصد اهل السنه بالذات il dit حفظه الله تعالى ça c'est une situation qui existe qui est palpable que vous voyez devant vous et que vous connaissez. Il n'y a aucun doute qu'il existe. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il anéantisse cette fitna. Il dit par Allah, il a fait un grand mal à la da'wa salafia. Pas tout simplement en Arabie Saoudite, ni dans l'université, mais à travers le monde entier. Et ça, c'est une nouvelle voie que les plus ailleurs ne connaissaient pas, que les gens de la sunna ne connaissaient pas. Le fait de critiquer les gens de la sunna et de dire d'eux qu'ils sont mouya, qu'ils sont avec tout le monde. Ça veut dire moubtadi, innovateur. Et ces termes et cette façon de faire cette voie est orientée directement vers les gens de la sunna. يقول وانا لا استبعد ان بين هؤلاء ناسا مدسوسين على المنهج السلفي واهله لان هذا امر معلوم قطعا من اساليب اهل الاهواء انهم يدسون في صفوف السلفيين واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يضللهم ولا بد لهؤلاء ان يلبسوا لباس المنهج السلفي اذا كان الامر يهم السلفيين il dit moi ce n'est pas loin pour moi hein? que des gens on a introduit des gens dans le milieu des salafis et dans la voie des salafis il dit ça c'est quelque chose de connu d'irréfutable ça fait partie des styles des gens de l'innovation d'introduire des gens pour détruire de l'intérieur. D'introduire des gens de leur idéologie pour détruire la da'wa salafia de l'intérieur. Et il dit, les juifs introduisent dans le milieu et dans les rangs des musulmans hein, des gens pour les égarer. Et ces gens qu'on a introduits dans le milieu des salafis, il est obligatoire qu'il va s'habiller, qu'il va se donner une apparence salafite, pour que ces idées qui sont un petit peu ambiguës soient acceptées. Hein? Et dans ces cas-là, comme on dit l'un de ceux plus ailes, comment il va agir? Il va agir comme le scorpion. Le scorpion, il s'enfonce dans le sable. Il laisse que son petit dard. Il est très fin, tu ne le vois pas. Toi, tu passes, il injecte son venin, à ce moment-là, il apparaît, il se sauve. La même chose, les gens de l'innovation ainsi font dans le milieu des salafia. فأنت تجد يقول الشيخ فأنت تجد كثيرا من أهل البدع يدعون السلفية بل يدعونها بحماسة وقوة ويدفعونك عنها هؤلاء لا تأمنهم بارك الله فيك بل تجد في المسلمين في الدنيا كلها ناسا مدسوسين وباسم الإسلام هذا أمر معروف ولكن الأذكياء يعرفون هؤلاء يعرفونهم من تصرفاتهم من مواقفهم ومن أحكامهم بقراء وأدلة بارك الله فيكم ووفقكم لي trouve que les gens de l'innovation prétendent être salafi et des fois ils défendent la salafia avec enthousiasme et malgré tout ça ils te détournent avec cet enthousiasme Ils te détournent de la voie du salaf, radhiyallahu anhu. Et cela, tu ne dois pas leur faire confiance. Hein? Ce qui est le style pour te détourner. Hein? Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Trouve qu'au milieu des musulmans, dans le monde entier, des gens qu'on a introduits au nom de l'islam. Pourquoi faire? On les a introduits. Pour détruire de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de connu. Mais il dit, les intelligents connaissent cela. Ils connaissent de par leurs actes, de par leur agissement, de par leur position, de par les sentences et les jugements qu'ils donnent, de par des signes et des preuves qui ne trompent pas. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'il vous accomplisse. ويقول السؤال السادس بعض الشباب يقسم علماء السلفيين الى علماء الشريعه وعلماء المنهج هذا التقسيم صحيح لي لا سيزيام كيستيون certains jeunes divisent les hommes de science de la voie du salaf en savants de la législation et savants de la voie est-ce que ça c'est authentique ça c'est une façon de hein الجواب هذا غلط بارك الله فيك لكن أن يكون بحكم تخصص إنسان يعلم علم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناقضه وبالذين يخالفونه وما يناقضه وبالذين يخالفونه وآخر من العلماء يكون عنده شيء من اهتمام وشيء من الإدراك لكن لا يسلم أيضا لهذا المتخصص بكل شيء لا سيما إن عارضه آخرون بارك الله فيكم اللي ساء C'est faux que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Mais, peut-être par le fait que quelqu'un s'est spécialisé dans ses études, et il est devenu, il connaît la législation, s'est spécialisé dans la législation. Et peut-être, et un autre va être, sa plus grande caractéristique, c'est la voix. Et, il a une énorme connaissance, de la voie du puiser et de des voies qui sont en divergence avec la voie du puiser et d'autres hommes de science vont avoir des préoccupations donnent de l'importance à certaines choses mais il dit c'est pas parce qu'ils se sont spécialisés dans un domaine qu'on doit se soumettre à eux complètement hein? Peut-être que d'autres vont être en contradiction avec eux et que Ils auront plus raison qu'eux. Ils seront plus avec la preuve qu'eux. Faire quoi le cher? Cher, il sait vers où ça va amener cette question, cette division. Non. Hada tafriq troku. Hada tafriq aslun. Ibtada'ahu ahlul bid'a. Fafuqaha waqi'a. Wa ghayru fuqaha waqi'a. Hada taqsim al-jadid. هو موجود الآن في صفوف السلفيين ولا ينبغي. الشيخ يسي فيرو سامين ce genre de question. Vers quoi? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il dit cette division, délaissez-la de côté. Car cette division, son origine, ce sont les gens de l'innovation. Ils ont déjà divisé. Hado al-fuqaha de l'actualité. Hado al-fuqaha qui ne connaissent pas l'actualité. هذا الفقهاء de la législation, الفقهاء de l'Oshi, c'est le meilleur, الفقهاء de la politique. Délaisse tout ça. Hein? Et ça, c'est quelque chose de connu maintenant dans le milieu salafi. Et ça ne doit pas exister. Alim al-Waqi. Tous les savants connaissent l'actualité. Hein? Et c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam qui me permet de faire la part des choses et l'analyse exacte de la situation vécue par le monde musulman et dans le monde. Aradu isqat ibn Baz rahimahullah wal ulama al mawjoudin qalu ma yafqahun al waqi' fa idha takallamu fi al ahdath wa fi al mashakil allati tahum wa ta'um al muslimin wa tanzil bihim qalu la wallahi la ya'rifu al ulama al waqi' هذا إسقاط خطير جدا في أخطر الميادين لإيام الناس أن هذا الميدان ميدانهم. Voulez faire tomber Ibn Baz et les autres hommes de science qui étaient contemporains à Ibn Baz. Ils ont dit, ils ne comprennent pas l'actualité et le vécu de la communauté. Quand les hommes de science parlent sur les événements et sur les problèmes qui concernent la communauté, qui concerne toute la communauté, quand il leur arrive une catastrophe, ils disent, Hadou, il s'écrit par Allah, les hommes de science ne connaissent pas l'actualité, ils ne connaissent pas ce qui se trame. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est faire tomber ces montagnes de science. Et c'est une situation très dangereuse. Pourquoi? Éloigner la jeunesse des hommes de science. Et être en barrière entre les hommes de science et la jeunesse. Hein? Pour donner l'illusion aux gens que les hommes de science ne connaissent pas le terrain. Et que le terrain, il leur appartient à eux, les penseurs. Et de Adil Fitna. C'est ainsi. Tu crois comment le sang a coulé pendant 20 ans en Algérie? En agissant ainsi. En créant une barrière entre la parole de Ibn Baz, entre la parole de Cheikh Al-Albani, entre la parole de Cheikh Al-Uthaymeen et la jeunesse algérienne. C'est pour ça que des innocents ont été égorgés comme du mouton. Pour rien. Des innocents. Et que toute cette jeunesse et toute cette chaleur humaine, on l'a orientée vers quoi? Vers ces fatwas enflammés d'Abu Qatada et autres. Hein? On les a orientés vers les Dracula de la situation dans les mains. Encore le sang des innocents coule de leurs mains. Il faut faire très attention à ce genre de séparation. Parce que des fois, et les innovateurs seront très, très malins. Faire que le waqir s'est passé. Mais il va te ramener autre chose. Hein? Il va te ramener autre chose. Mais le but sera toujours la même chose. Créer la barrière et une séparation et un fossé entre les hommes de science et la jeunesse. هذا السؤال السابع يقول السائل هل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره بأنهم مبتدعة ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل هذا la septième question. Est-ce qu'il est permis de mettre à la quarantaine quelqu'un qui dit salam alaykoum aux gens de l'innovation parmi les frères musulmans, les adeptes de la secte des frères musulmans, et parmi les activistes musulmans, et parmi les takfiris, et qui s'assoit avec eux tout en reconnaissant qu'ils sont des innovateurs. Et en plus de ça, il dit aux jeunes, il les éloigne des livres de la science de la réfutation et de l'éloge. Hada, c'est un poison en soi. C'est pire qu'une vipère à corne. C'est pire qu'une vipère à corne. Cheikh Yaqoul, كيف يجالسهم? هل السلفيون يجالسون أهل البدع? Et Cheikh de dire, comment il s'assoit avec eux? Comment il va dans leur compagnie? Est-ce que les salafis s'assoient avec les gens de l'innovation? يقول فإذا وجد سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بالحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه فهذا واجبه أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم لا لأجل أكل ولا لأجل شرب ولا مداهنة ولا شيء من أمور الدين ولا إقرار على باطل إنما يحصلهم في المساجد فيدعوهم ويحصلهم في الأسواق فيدعوهم ويركب معهم في السيارة فيدعوهم يركب معه في الطيارة يدعوه يركب معه في القطار يدعوه il dit pour qu'on comprenne bien que nous on n'est pas dans cette situation, on doit s'éloigner. Nous on prend la quarantaine pour se protéger. Faut bien comprendre ce qui va venir de la part d'Allah. Il faut ne pas dire que Cheikh il nous a dit d'aller, Cheikh Rabi il nous pousse d'aller s'asseoir avec les innovateurs. Ça te concerne pas, ça ne me concerne pas. Hein? Il dit Habidallah. Quand il se trouve un salafi fort, c'est-à-dire fort au niveau de la science, qui est capable de transmettre la da'wa d'Allah dans les gens de l'innovation et dans les parties de l'égarement, avec la preuve irréfutable, et qui peut les influencer et ne pas se faire influencer. Hein? Quant à nos autres ignorants, on se fait influencer par les ambiguïtés très vite. Donc, on reste à la quarantaine. Nous, on se met à la quarantaine, pourquoi? Pour se protéger, nous. Hein? Et donc, quand se trouve cette personne qui a la science, qui peut influencer et ne pas se faire influencer, hada, il est obligatoire pour lui de se mélanger avec eux et d'aller leur faire dawa. Et non pas pour aller manger avec eux, pour aller avoir avec eux. Beaucoup parmi la jeunesse, il est avec lui, hein, par sentiment, et tu le vois en train de rigoler autour d'un, hein, d'un poulet rôti autour d'une pizza, et ah ah ah, et ça n'arrête pas. Et l'autre, il lui injecte son venin. Jour et nuit, il est avec. Il a dit, je le conseille. Comment tu le conseilles? T'es-tu tout le temps en train de rigoler avec? Et tu défends même certaines choses qu'il dit. Comment? Donc, il ne va pas se mélanger. Celui qui a la force scientifique ne va pas se mélanger avec eux pour manger, pour boire, ou pour les caresser dans le sens du poil. Mais il se mélange avec eux pour la religion d'Allah. Il ne se mélange pas avec eux pour confirmer le faux dans lequel ils sont. Mais il les retrouve dans la mosquée, il les appelle. Il a accompli la preuve. S'il les retrouve dans le marché, sur la plage du Mar, c'est la même chose. S'il monte avec lui dans la voiture, c'est pour, hein, accomplir la preuve, lui montrer la réalité. Hein. Et s'il est avec lui dans l'avion ou là dans le train, la même chose. Ils n'ont pas le caresser dans le sens de poil. Hein. Et gober aussi ses ambiguïtés. C'est ce qui arrive beaucoup à nos frères, malheureusement. Parce que ils font passer en avant leurs sentiments. Chasse frère en Allah, le sentiment est bon. C'est un don min Allah. C'est quelque chose de naturel. Mais nos sentiments doivent être conditionnés avec la législation de Allah. Sinon, ce n'est plus des sentiments. C'est des awasif. L'awatif, tasbah awasif. Devient des tempêtes qui détruisent. Ce qui arrive à beaucoup de notre jeunesse, qui n'a pas de science. Yaqul le cheikh, yad'ou. هذا القوي في العلم يدعو لأنه لا بد له من الاختلاط بهؤلاء ما له ففكاك منهم لأن أهل البدع وأهل الأهواء أغلبية ساحقة والسلفيون كشعرة بيضاء في طور أسود بارك الله فيكم فرغم أنفه يختلط بهؤلاء لكن ما واجبه تجاه هؤلاء ما عندي هذا celui il parle de ce salafi qui a la science هذا. Il est obligatoire pour lui de se mélanger avec eux. Il ne peut pas faire autrement. Car les gens de l'innovation, c'est eux. L'innovation, c'est elle qui a pignon sur rue. C'est eux, la grande majorité. Hein? Et ceux qui sont dans la voie de ne plus être dans l'arène sont comme le poil blanc sur un veau noir. Va le chercher. Hein? Et donc, malgré lui, avec qui a la science, il faut qu'il se mélange. Si son devoir, hein, et son devoir c'est quoi? Il dit le cheikh, واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Et son devoir c'est quoi? Transmettre la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec exhorte, bon exhorte, et avec sagesse. Il dit le cheikh, فهذا إذا جلس في بيتي بحجته هجران أهل البدع فهذا موت للدعوة. Il dit celui-là, qui a cette force scientifique, s'il s'assoit chez lui, en prétextant qu'il met à la quarantaine les gens de l'innovation, Hada, il est en train de tuer Dawa. Et pas toi et moi. Pas les ignorants comme nous. Celui qui a la science, Andak. Hein? Pas tout à l'heure après tu me dis, hein? Il a dit, et tout à l'heure tu retrouves dans un cercle d'Yel Mchwara d'Yel Tibler ou là, dans une veille d'Yel Ikhwan. Andak. J'ai pas dit ça. Et Cheikh n'a pas dit ça. C'est pas comme ça. فمثلا انسان جاهل ضعيف الشخصيه اذا سمع ادنى شبهه اخذته فهذا ينبغي ان يجو من اهل الشبه والبدع ويبتعد عنهم ولا يجالسهم لكن اذا امتحنك انسان وسلم عليك فقل وعليك السلام واجب ان ترد السلام يبقى quelqu'un de faible, pas comme nous, d'ignorant et de faible comme nous, hein? Quand il entend une ambiguïté, l'ambiguïté, il l'habite, il le prend, ah, ben, il est de son devoir de se sauver, de se préserver des innovations et des ambiguïtés. Et il s'éloigne de la compagnie des innovateurs. Et s'il est éprouvé par le fait que quelqu'un lui dit « Salam alaykoum » il lui répond « Alaykoum salam ». Il y a aussi une chose ici. Beaucoup de jeunes, Et après, le lendemain, il t'appelle. Ils ont dit ça. Yahri, qu'est-ce que tu as été faire? Il va toute la nuit, il la passe dans une ronde d'Yel Ahbash, ou là dans une ronde d'Yel Tkfir, ou là dans une ronde où il disserte sur Ravida, et après il te ramène, il se remplit de toiles d'araignée, d'ambiguïté, de Tkfir, de Habashi, de tout. Et après, vas-y, enlève tout ça. Yahri, t'as pas le droit d'agir ainsi. Préserve-toi, Yahri. Préserve-toi. Ton cœur, il ne faut pas que ce soit une éponge qui gobe tout. Ton cœur, il faut que ça soit comme une glace. Hein? Blindé. Les ambiguïtés arrivent, tapent dedans, ils vont de l'autre côté. Ils retournent. N'ouvre pas ton cœur aux ambiguïtés. Parce que pour les en sortir à l'islam, c'est très dur. Quand l'ambiguïté habite un cœur, c'est foutu à l'islam. Il faut du temps pour la sortir de là. Lakin, أن تجالسهم وتؤاكلهم وتضاحكهم وتجلس إليهم فأنت في هذا مخطئ لأن ما فعلته مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة. Il dit Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala, le fait que tu sois en leur compagnie, tu manges avec eux, tu passes des soirées avec eux, tu bois avec eux, tu rigoles avec eux, en agissant ainsi, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Car ce que tu fais est en contradiction avec la voie des salafs et avec la sunna. يقول الشيخ الآن أنا ربيع مثلا لا أرى مبتدعين لا وأفر منه وما أدري كيف فلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يرى مبتدعين لا ويفر منه وفر. Il dit moi maintenant ربيع, il parle de lui, je ne vois un innovateur, je me sauve de lui et je ne sais pas comment. Et l'autre, parmi les demandeurs de science, voit l'innovateur, il se sauve de lui. Man arahu wa andur fi wajhi min amam al-bayt illa dassa nafsa. In ra'ahu fi al-shari' illa hariba ila shari'in tani. Hada laysa tariqan salafiyan. Fas-sahaba kanu yantashiruna bayna al-kuffar fi aqtar al-ard wa yanshuruna din Allah fihim. Barakallahu fihim. Et de chaque fois que hada qui est la science, hein? Parce qu'il a donné l'exemple par lui-même, il a dit moi et ces demandeurs de science tel et tel, s'il voit l'innovateur, il se sauve. Hein? Va devant la maison, il se sauve, il change de chemin, etc. Elle dit, ça, ce n'est pas la voie du puiseur d'Allah. Ça concerne qui ici? Celui qui est la science. Elle dit, parce que les compagnons de Mohammed al-Salam se propageaient au milieu des mécréants pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour celui qui a la science, il doit agir ainsi. Hein? Pour celui qui a la science, il doit agir ainsi. يقول الشيخ والسلفيون الذين قبلنا قد انتشروا كذلك بين أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا الألوف في حظيرة المنهج السلفي. Il dit les salafis qui étaient avant nous se sont propagés, c'est-à-dire ceux qui avaient la science, se sont propagés au milieu des gens de l'innovation et ils les ont influencés, ils les ont ramenés vers la voie du puiseur d'Allah. فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية أو عالما أقام الحجة ودعا هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة وسترون آثار هذا. Il dit celui qui a la science et qui a une forte personnalité et qui débat et qui a la science, qui est homme de science et qui débat pour accomplir la preuve et qui appelle avec sagesse et avec bon exhorte, il n'y a aucun doute qu'il va y avoir un grand impact et que cet impact vous allez le voir. والضعيف لا والله لا يخالط في الجملة لكن إذا امتحن بالسلام سلم عليه لا شيء في ذلك أن يرد فماذا يصنع ولكن لا يخالط ولا يجلس. Mais il dit celui qui est faible, dire celui qui n'a pas de science, qui est ignorant comme nous, hein, en général, ne doit pas se mélanger avec eux, ne doit pas s'asseoir avec eux. Et s'il est éprouvé parce que un innovateur ou quelqu'un qui fait partie d'un groupe de l'innovation le salue, il lui répond, mais il n'a pas à chercher sa compagnie ni à s'asseoir avec, ni à veiller avec lui. Fais Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, ni fa'na bi tawjihati Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala, innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayh, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khairan.